Les températures resteront proches de 16 à 21 degrés. La première. Il est 16h. Votre journal Simon Bourgeois, bonjour. Bonjour. Le nouveau Premier ministre britannique sera désigné plus tôt que prévu. David Cameron avait d'abord annoncé qu'il partirait en octobre prochain. On connaîtra finalement son successeur le 2 septembre. Depuis trois jours, plusieurs dirigeants européens mettent la pression sur Londres pour que ce Brexit aille vite. David Cameron avait déjà annoncé que le Royaume-Uni n'entamerait pas officiellement la procédure de divorce tant que son successeur n'était pas choisi. Une autre conséquence du Brexit chez nous, augmentation des demandes de naturalisation d'expatriés britanniques. Rien qu'à Waterloo, par exemple, déjà 15 demandes depuis ce week-end, un chiffre exceptionnel et ça risque de continuer, préviennent les autorités locales. Un petit peu plus de 9 élèves sur 10 ont réussi leur CEB, l'examen de fin de 6e primaire. Les résultats sont tombés aujourd'hui, 91% de réussite pour être exact. C'est un petit peu moins bien que l'année passée, là c'était 93%. Alors est-ce que ça veut dire que l'examen était plus dur cette année? La réponse de Marie-Martine Schins, ministre de l'Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais je pense que d'une année à l'autre, certains vous diront c'est plus facile, c'est plus difficile. Je pense que c'est un faux débat. On a une moyenne sur les quelques dernières années de 92% de réussite. Et donc je pense qu'on est dans un modèle assez stable, avec des équipes qui préparent l'épreuve et qui sont composées d'instituteurs en fonction d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques. Et donc un objectif clair, évaluer les compétences prescrites pour la fin de 6e primaire. Alors, il y a eu pas mal de critiques sur le fait que ce CEB, cette année, était trop facile. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Mais d'une année à l'autre, vous trouverez toujours des gens qui vous diront c'était trop facile ou c'était trop difficile même. Mais c'est le principe même d'une épreuve externe. C'est d'avoir la même épreuve pour tout le monde et de pouvoir se situer en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, dans un ensemble beaucoup plus global. La ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles au micro d'Alison Delpierre. Pour réussir ce CEB, il fallait au moins 50% dans chacune des matières, le français, les maths et l'éveil. 8 avions de chasse belges F-16 ont décollé ce matin, direction le Proche-Orient. Ils partent bombarder les positions du groupe terroriste État islamique en Irak et en Syrie. Des frappes dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh. Les Belges prennent le relais des Néerlandais pour une mission d'un an. Les militaires belges avaient déjà mené des opérations en Irak. L'année dernière, ils frappent en Syrie pour la première fois. En tennis, début du tournoi de Wimbledon sur gazon. 4 Belges au programme aujourd'hui. David Goffin vient de commencer. Kristen Flipkens a déjà terminé son premier match. Christine Anquet, vous suivez ces matchs pour nous. Où est-ce qu'on en est? Oui, voilà déjà une Belge au deuxième tour. Voilà une bonne chose de fait. C'est Kirsten Flipkens, vous l'avez dit. Elle vient de se qualifier pour le deuxième tour, donc au dépens de l'Américaine Nicole Gibbs. 50 minutes lui ont suffi pour une victoire facile, nette et sans bavure. 6-3 et 6-1. Et David Goffin, il vient d'entamer son tournoi face au Britannique Alex Ward, qui n'est que le 245e joueur au monde et qui participe à son tout premier tableau final dans un tournoi de Grand Chelem. Autant dire que David Goffin, qui est 11e mondial, est le grandissime favori de ce match. Après une bonne dizaine de minutes de jeu dans cette rencontre, le numéro 1 belge mène 3 jeux à 1 dans la première manche. Il a donc déjà un break d'avance et la rencontre se joue sous le soleil. Merci Christine. Chez les dames, Janina Wickmayer joue elle ce soir, sans doute vers 18h. Chez les hommes, Ruben Bemmelmans lui s'apprête à entrer en scène. Et puis en foot, retour à l'entraînement pour les Diables Rouges. Ils ont commencé la préparation des quarts de finale contre le Pays de Galles. Le match ce sera vendredi soir 21h à Lille. Et puis au programme de 7 euros aujourd'hui, les deux derniers huitièmes de finale. La tête d'affiche Espagne-Italie d'abord, coup d'envoi dans 2h. Et puis à 21h, ce sera Angleterre-Islande. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 16h et presque 4 minutes. Bel après-midi avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Et on continue tout de suite sur la première avec vous, Walid. C'est presque sérieux. Effectivement, bon lundi à tous. Ravi de vous retrouver sur la première. Nous sommes presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Les dermatologues japonais ont découvert que le wasabi avait des propriétés antibactériennes. Moi, je vous déconseille. Wasabi Actol. Non, moi, je vous... Elle est bonne, celle-là. Je reste aussi dans le verre. C'est alors qu'arriva le sauveur. Marc Desbois, gobelet de son état, sévissait aux grandes dames de tous ses royalistes. Prince Jean, plutôt. Il est en ordre de marche. Bah, c'est évidemment Yvan Mayer à propos du piétonnier. Vous ne vous souvenez pas, Frédéric Cordonnier, c'est lui qui a présenté l'émission politique sans langue de bois. Mmh. Sans langue de bois. Et maintenant, il est porte-parole du MR. C'est un peu comme si Mimati devenait entraîneur d'Espirou de Charleroi. Et pendant ce temps-là, grève générale demain. grève les vautours. Le gobelet qui me dit, pour le clé d'emploi, fais entendre ta voix. C'est un gouvernement qui est composé d'une bande de gamins de merde. Ah, l'Europe entière est suspendue aux lèvres de la Grande-Bretagne. Moi, je m'étais dit que si c'était un refus, si c'était un non, on veut pas rester, j'allais prendre ma voiture, j'allais klaxonner, vous savez, le rond-point Schumann. Je proteste. Non, juste klaxonner pour dire ouais. Au Japon, on peut se faire masser par des sushis. Ah oui, par un chat. C'est pas con parce que le chat, il est habitué depuis tout petit. Un homosexuel, un gay chat. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Le cacou. Inter-Wellen. Eden Hazard est absolument déchaîné. Et si Mark Wilmots devenait Premier ministre, hein, les colosses des Rodeuvels sont faits, le job, oui, rendez-vous d'ores et déjà vendredi avec le pays de Pigalle, hein, qui risque de passer à son tour au Moulin Rouge. Ah oui, ils ont fait le boulot et ça a rendu des couleurs à notre pays qui en perd, hein, avec le temps qui n'est pas au rendez-vous. En tout cas, merci à vous d'être présents ce lundi. Nous allons prendre du bon temps, 90 minutes sans prolongation et droit au but. Oui, droit au but de l'actualité de ce lundi 27 juin que je vous souhaite excellent. À l'écoute de la première, voici votre équipe d'Endiablé Rouge de ce lundi. Il jongle, lui, avec les mots comme personne. Notre franc-tireur, Mickaël Albaz, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Sur le banc, on voit bien le match, mais sur le terrain, c'est mieux. Hein. Un titulaire en puissance, il est là, c'est Paul Mosseret, bonjour. Salut Walid. C'est un habitué des prolongations, c'est une vraie force de la nature. Il est capable de courir pendant des heures sans connaître une seule chute. C'est Corentin Candy, bonjour. Bonjour Walid, bien tout le monde. Super. Tiens, l'homme qui fait trembler les poteaux, surtout vers 3h du matin. Quand il les croise, c'est Edgar Schotz, bonjour. Salut coach. Plus fort que le petit pont, plus fort que le grand pont. Oui, sa spécialité à lui, c'était le viaduc. Raoul Reyers, bonjour. Oui, on me l'a volé. On l'a pris. Tiens, elle avec son déhanché diabolique, elle se dépêtre comme personne du marquage à la culotte. C'est notre assistante Hazard Boulèche. Eden Hazard Boulèche. Et lui, c'est un des meilleurs réalisateurs, un as de la finition. Avec lui, on peut espérer l'équalisation jusqu'à la dernière minute. C'est Vincent Van Der Venet qui est à l'origine du chef d'orchestre de cette émission. C'est un petit peu lui qui réalise donc cette émission pour vos petites oreilles. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est nous qui en rions. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour en ce lundi. Presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Ah, on parlera du Brexit, de la crise qui secoue Canal+, de l'ouverture de l'expo Restez Vivant de Michel Houellebecq au Palais de Tokyo et de la situation dans le monde et des gens. Voilà le programme de 7h30 au menu, presque sérieusement avec l'actualité qui sera décortiquée avec toute l'impertinence et de nos beaux esprits du jour. En ce lundi, des cadeaux également que nous vous offrons. Inscrivez-vous sans plus attendre en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, nom, prénom et adresse, 75 centimes le message pour repartir avec le jeu PIT alias le jeu de la vache. Voilà. J'ai jamais joué à ce jeu, je devrais jouer. On n'ose pas l'ouvrir parce qu'alors on devrait enlever le plastique, c'est vrai, et ça n'aura plus de valeur. Mais on m'a dit que c'est un super jeu, comme tous les jeux d'ailleurs de nos amis de chez Repo Productions. Donc, c'est eux-mêmes qui vous l'ont dit. Non, mais c'est un des jeux qui se vend le mieux pour le moment. Ah ouais, avec concept et tout team. Voilà, faites-vous plaisir, vous inscrivez, nous jouons ensemble au Qui a dit d'ici une bonne vingtaine de minutes, juste derrière les infos de 16h30. Le Qui a dit du jour, je vous le propose tout de suite. Tiens, il est très fort tactiquement. Ah ouais, après une victoire des Diables. Forcément, il fallait dedans. Sais. Alors, qui aurait pu prononcer cette phrase? Inscrivez-vous, clair, hein. On vous fera des propositions et entrons dans le vif du sujet avec la une du jour. C'est la une. Deux infos en chanson, écoutez attentivement les deux morceaux que voici. Je veux jouer contre vous, mais vous le voulez-vous? Ah, le lundi démarre plutôt bien, presque, avec Kraftwerk, Radioactivity et Brigitte Bardot. Moi, je joue, c'est avec les Allemands de Kraftwerk que nous entamons cette émission. Quelle alors, jolie à votre langue. Avis. À votre avis. Alors là, Bon, ouais. Ça doit être Marie-Christine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Marie-Christine? Alors, ce que je sais, mais il y a sûrement des tas d'autres choses. Allez, c'est balancez. Allez-y. On a peur de rien ici. Oui. On lui a demandé où elle pensait mettre les déchets radioactifs et elle a dit qu'elle ne savait pas trop. Dans ma cave. C'est en substance, effectivement, cela, mon cher Edgar Schotz. Plus assez d'espace à l'avenir pour entreposer les déchets nucléaires. La capacité d'entreposage destinée aux déchets nucléaires s'avérera insuffisante d'ici 2025. C'est ce qui le ressort donc d'une question parlementaire posée par le groupe Écolo Groen à la ministre fédérale de l'énergie, Marie-Christine Marguem. De nouvelles installations doivent être mises en place d'ici le début de la prochaine décennie. Fin 2014, quelques 3260 tonnes de déchets étaient entreposées sur les sites de Doul et Tihange. Pas moins de 370 tonnes devraient s'y ajouter d'ici 2025 et la Belgique doit encore définir sa stratégie de stockage définitif des déchets de haute activité. C'est ce que stipule la ministre dans sa réponse. Donc on attend de voir un petit peu où ça va aller. Alors, petite question, tiens, en rapport avec la radioactivité, les déchets, tout ça. Quel élément, tiens, qu'on retrouve dans une cuisine est très recherché par les organismes nucléaires? Est-ce que vous savez? L'iode. L'iode, non, dans la cuisine, pas l'iode. Non, le sel, non, pas l'iode, non. Un ustensile. Ustensile oui, de cuisine. C'est un ustensile plutôt. C'est ouais. Le fouet, mais ça, c'est pour la ministre. Le fouet, non. Non, non. C'est un élément chimique. C'est pas un élément chimique. C'est pas un élément chimique. On en a tous ou presque. Ça nous sert jamais, parce que moi j'en ai une à la maison, mais elle ne m'a jamais servi. Pourquoi vous ne cuisinez? Elle est là pour garnir. Non, elle est là pour garnir, c'est vrai. Voilà. C'est vrai? Oui, je vous prends. Une casserole. Alors, on est dans une casserole, ouais, mais c'est quelle casserole en particulier? Une cocotte minute. Eh oui, les cocottes minutes ne servent pas qu'à la cuisson des pommes vapeur, elles servent également dans un domaine insoupçonné. En effet, leur forte résistance, leur étanchéité et leur bas coût en font des récipients parfaitement appropriés pour le transport de certaines matières dangereuses et leur utilisation serait donc une pratique courante dans l'industrie nucléaire. Régler ça, chacun prend un petit peu dans sa casserole. C'est pour ça, c'est pourquoi on peut retrouver d'ailleurs des appels d'offres émanant d'organismes nucléaires souhaitant se procurer des milliers d'autocuiseurs. Je promets, ils cherchent vraiment des cocottes minutes. Je la garde. Hein, comment votre sobuco, vous devez le faire Alors, c'est vrai que c'est pas faux. Imaginez si chacun d'entre nous pouvait entreposer chez lui, dans son jardin, dans sa cocotte minute, un petit bout de déchets nucléaires. Hein, ce serait. Voilà. Alors, on se trempe de casserole et hop, Tchernobyl. Là, c'est effectivement à la cuisson à haute température. En attendant, deuxième extrait, c'est Brigitte Bardot qui se la joue. C'est les diables qui jouent. Alors, c'est diables qui jouent, ça. Vous dites oui. Ah non. Ce serait trop facile. Il n'y a pas que les diables. Il n'y a pas que les diables dans l'actu. Non. De quoi s'agit-il? Moi, je joue. On parle de jeu. David Cameron a joué sa carrière. Il a joué sa carrière. Oui. C'est le cas, mais il n'est pas le seul à jouer. Les paris sur Internet. Il y a trop de paris sur Internet. Il y a trop de pubs. Mais les Belges. Qui a gagné. Non, c'est pas un type. Incroyable. Oui, il y a pas quelqu'un qui a gagné en misant 50 centimes, il a gagné 250 000 euros dans la région du centre. Oui, c'est sur des chevaux, c'est ça? Oui, c'est ça, sur des chevaux. Paris sportif. Mais c'est presque ça, mais dans le bon. C'est les Belges qui parient toujours plus. Les Belges ont parié pour 787 millions d'euros en 2014, soit 3 fois plus qu'en 2011. Est-ce que quelqu'un autour de la table a déjà parié, fait des paris? Jamais. Non. Rien à déclarer. N'empêche, c'est énorme. Personne. Ça veut dire 80 euros par Belge par an. Ouais, c'est sachant énorme. Qu'il y en a quand même une majorité qui ne parie pas. C'est le chiffre d'affaires donc engrangé par les organisateurs de paris en 2014. Ça représente donc 20% de plus par rapport à l'année précédente et 3 fois plus qu'en 2011. Les paris classiques ont rapporté 426 millions d'euros. Alors, il existe plusieurs explications. Oui, donc ça veut dire qu'ils ont fait perdre 300 millions, vu qu'on a parié 780 millions et que ça a rapporté 426. Ouais, mais bon, vous savez que on gagne toujours. Alors, il y a un grand-père gallois qui avait touché près de 150 000 euros pour avoir parié que son petit-fils, Harry Wilson, alors âgé de 18 mois, qu'est-ce qu'il avait parié, à votre avis? Et ça a un lien avec les Diables Rouges. Qu'il ferait partie de l'équipe nationale du Pays de Galles. Effectivement, qui porterait un jour le maillot de sa sélection, la sélection galloise. Et il avait alors parié 60 euros à 2500 contre 1. Et cet événement est finalement survenu en octobre 2013, faisant au passage du petit-fils, donc le plus jeune joueur, à porter le maillot gallois. C'est une petite anecdote que pourra raconter Rodrigo Benquens face au Angleterre, il soufflait. Dites, et alors quoi, c'est resté comme ça dans un coffre ou dans un ordinateur? C'est sorti? Ah oui, oui. Alors aujourd'hui, vous pouvez, après. Comme disait Corentin Candy, aujourd'hui on peut parier sur tout n'importe quoi. Vous pouvez par exemple dire quand Bart De Wever deviendra-t-il président de la République de Flandre. Ça, vous pouvez l'écrire maintenant et parier dessus. Vous mettez 50 euros et le jour où on ne sait jamais. Et voilà. Et vous pouvez. Si vous deviez faire un pari complètement barré, stupide, Michael Albas. Si les diables gagnent l'euro 2016. C'est pas stupide, ça va se faire. Ah non, ça va se faire. Vous pensez ? Bah oui, soyez pas médisants comme ça. Allez-y, pariez. Bah je vais le faire. Paul Mosseret, un pari complètement fou comme ça. Un pari complètement fou, quoi, que demain sera ensoleillé, peut-être. Ah oui, mais ça, on a des applications pour ça. Finalement, il y avait plus de chances avec la Belgique. Ouais, t'as raison. Edgar, un pari complètement barré. La première chronique de Corentin Candy de moins de 8 minutes. Corentin Candy, justement. Votre pari complètement fou, si vous deviez en faire un. Moi, je vais tenter de séduire Suzanne Boyle. Ah oui. Et Raoul Reyer, c'est lui. Moi, je parie qu'il y aura toujours et toujours du whisky. Parce qu'on dit, vous savez qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y aura bientôt plus de whisky. Enfin, bientôt. Ouais. Dans quelques temps. Ouais. Vous imaginez l'horreur que ça pourrait être. Bah, si on devait parier ça, le contraire. Du whisky coca sans coca. Spéculons, spéculons, spéculons. Et dans la suite, inscrivez-vous, pariez sur l'un de nos chroniqueurs qui a peut-être la bonne réponse. L'une de ces propositions qui vous sera faite dans un instant par rapport au qui a dit du jour. Qui aurait pu dire, il est très fort tactiquement. À vous de jouer pour repartir avec un jeu aux éditions Repos Prod. Le jeu que nous vous proposons aujourd'hui, c'est le jeu Pit, alias le jeu de la vache. Des cartes, une sonnette et vous êtes parti. Chaque joueur appartient à une famille, de la famille Baby qui vaut 50 points, la famille Megaton qui en vaut 100 de points, donc passant par la famille Tabasco qui en vaut elle 75 et qui a la particularité d'avoir quoi ? À vous de le trouver justement, à vous de découvrir ce jeu. Ouais. On vous l'envoie si vous parvenez à me dire parmi les propositions que nous vous ferons dans un instant qui a la bonne réponse du qui a dit du jour. Il est très fort tactiquement. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom, adresse, vous vous inscrivez et nous on poursuit l'aventure presque sérieuse avec l'actualité revue et corrigée cette fois-ci par Paul Mosseret. Oui, nous parlons du Brexit. Où tu sors, où je te sors, mais pour la prendre une décision. Où tu sors, où je te sors. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Jour mange, jour pas. Salut fiston. Bonne journée mon lapin. Oui, sauf que j'ai un problème en maths. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants? Pour préparer les examens de passage ou revoir la matière avant la rentrée, faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. La première et Ouf TV présente l'expo WOW, le mouvement comme vous ne l'avez jamais vu. Tigres qui bondissent, zèbres qui galopent, lionnes en chasse, tous arrêtés en pleine action. Des scènes spectaculaires de taxidermie acrobatique, une expo d'une beauté sauvage à vous couper le souffle. Au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles, avec le journal Le Soir. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La première, Mobile Info. 16h, presque 18 sur la première. Bonjour Claudine Fine. Bonjour Walid. Hey, vous allez bien? Petite nouvelle, tout ça bien. Je vais bien, et eh bien oui, premier jour à Perex. Voilà. Hey, alors comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont fait le ménage pour vous? Vous avez un beau bureau? C'était assez drôle en fait. Hein. Finalement, il y a deux bureaux dans une pièce et on se sent un petit peu comme dans un bocal. En face de moi, j'ai Adrien qui lui fait les infos pour d'autres chaînes. Et dis-lui bonjour de notre part. Passez-le-moi, tiens. Adrien, tu as le bonjour de Walid. Adrien, déjà son casque parce que bientôt il va être lui aussi en direct. Ah d'accord, alors dites-nous qu'est-ce qui se passe sur Noro. Tout est en direct ici, hein, vous l'avez compris. Tout est en direct et c'est ça qui est sympa, c'est que même si on se plante, eh bien tout le monde le sait et on peut pas le cacher. Alors un accident. Sauf pour les voitures. Hein, sauf pour les voitures, effectivement. Un accident s'est produit sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. Deux bandes de circulation sont neutralisées. La circulation est ralentie en direction de Bruxelles et il y a également des files dans l'autre sens depuis Woluwe-Saint-Étienne sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. Ralentissement entre Grand Bigard et au titre, plus 20 minutes. Entre Zaventem et Grand Bigard, plus 10 minutes. Et pour ce qui est de la circulation intérieure, entre au titre et Grand Bigard, comptez 20 minutes en plus. Et entre Zaventem et le Carrefour Léonard, plus 15 minutes. Mobirist nous signale des ralentissements à Bruxelles, du tunnel Porte de Halle au tunnel Léopold II vers la Basilique. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. L'actu, toute l'actu revue et corrigée par nos chroniqueurs en ce lundi sur la première. Ils sont presque sérieux et entamons bien cette première demi-heure avec Paul Mosseret. Tiens, 600 ans après Jeanne d'Arc, on a enfin réussi à bouter les Anglais hors du continent, n'est-ce pas mon cher Paul? Oui, absolument. Et franchement, si c'est ça, moi aussi je me casse. Parce qu'à moins que ce soit encore de l'humour anglais, on comprend jamais rien à leurs blagues en plus. Sérieux, moi la dernière fois que j'ai ri d'un Anglais, c'était Charlie Chaplin. Il n'est pas anglais, ouais, voilà. Non, mais si c'est ça, moi je me casse. Hein. Moi aussi, j'en ai marre de faire des concessions, des débats, des compromis sur toutes les directives européennes, sur la longueur des concombres, le taux de sucre dans la confiture ou la vitesse des essuie-glaces des tracteurs. Enfin, finalement, je comprends qu'ils ne soient pas laissés faire. Hein. Moi, si on voulait m'imposer le système métrique anglais et des serveuses sans décolleté, je me serais barré fissa. Hein. Enfin, mais entre nous, je pense que vraiment la directive qui a vraiment fait pencher la balance, c'est celle voulant renommer les saucisses britanniques en tubes d'abats émulsionnés riches en graisse. Non, mais imaginez qu'on ait renommé nos fricadelles en condensés de raclure de fond de cuve de tripes de chien. On leur est mauvaise. Hein. Ouais. Enfin, ça, ils n'aiment pas les Anglais hein, qu'on touche à leur alimentation. C'est interdit de toucher à la gastronomie anglaise, hein, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Hein. Surtout, ne faites pas ça, c'est dégueulasse. Hein. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que ça fasse l'objet d'une prochaine directive. Bon, évidemment, la bonne nouvelle, ben, c'est que le débat sur la normalisation du volume des chasses d'eau va enfin trouver une issue. On est soulagés. Hein. Parce que vous savez qu'une chasse d'eau anglaise fait 8 litres, alors que la moyenne européenne est à 6 litres. Hein. C'est vous dire s'ils se font chier sur le riz. Tout seul, là, au milieu de la mer, comme un crouton dans une soupe. C'est déprimant. Parce qu'une soupe sans crouton, c'est comme un été sans soleil. Mais un crouton sans soupe, ben, c'est juste un bout de pain sec. Ouais, je suis dur, hein, mais c'est la réaction classique quand on est triste et qu'on comprend rien. Parce qu'on est d'accord, là, on comprend rien. Hein. Les Anglais, les premiers, d'ailleurs, il n'a pas fallu 2 jours pour que tout le monde panique. Ah ouais, non, mais en fait, on ne sait pas trop, on ne pourrait pas recommencer. Bah non, non, non, on ne peut pas. On ne peut que regarder les eurosceptiques se dépatouiller dans leurs mensonges de diabolisation de l'Europe. Jamais assez forte, toujours trop liberticide, responsable du chômage, de la crise, de la guerre en Syrie, de la fonte des glaces, de l'embonpoint de ma femme, de cette hémorroïde qui me fait atrocement souffrir, et de ce temps pluvieux si dégueulasse qui nous sape le moral et nous donne tous cette peau blanche translucide et nous casse notre sex appeal. Ben ouais, y a pas de raison. Nous aussi, on veut des plages méditerranéennes, des nanas en bikini et de la chaleur humaine. Je suis sûr que c'est ça qu'ils pensent au fond, les Anglais. Mais personne ne leur a dit que ça, on peut pas leur offrir. Enfin, le plus gros mensonge du camp out, hein, c'est quand même cette histoire de raquette de 350 millions de livres par semaine de l'Europe au Royaume-Uni. Donc la Grande-Bretagne verserait l'équivalent de 430 millions d'euros par semaine à l'Europe. Ça fait plus de 22 milliards d'euros par an. Hein. En 43 ans d'Union européenne, ça ferait 946 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 120 milliards de fish and chips pour vous dire comme ce chiffre ne veut rien dire. Non, en gros, n'importe quoi. D'ailleurs, il a été démenti au lendemain du scrutin sans autre détour qu'un flegmatique « Oui, en effet, c'était faux. J'ai menti. » Punchline digne d'un Donald Trump. Hein. Bientôt les Royaumes-Unis d'Amérique, hein, qui sait. Ah, vous allez être bien là avec votre cousin américain. Hein. Trump d'un côté, Nigel Farage de l'autre. Hein. Ça va être l'escalade de la mauvaise foi. Je sens qu'on va se payer de belles tranches. Enfin, c'est tout bon pour les méfiants. Hein. Enfin, Grande-Bretagne, je voudrais quand même te souhaiter bonne chance. Non, je t'en veux pas. Je suis même pas triste. Je suis déçu. Comme deux vieux amants qui se séparent. Pourtant, on en aura vécu de belles ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on a déconné avec Winston, Paul-Henri, Robert et les autres. On était riches, jeunes, fougueux. Tu faisais danser le monde entier. Tu faisais rêver la jeunesse et nous, on était fiers d'être à tes côtés. On était dans le vent et puis il y a eu ce fameux soir de 1950 lors d'une folle nuit de partouze comme il y en avait tant dans ces années-là où on a mis au monde la petite Europe. T'étais un peu timide au début, mais viens pas me dire que c'était un accident. Hein, parce que je me souviens très bien ta mine réjouie quand France et Allemagne ont eu fini de se renifler le cul et qu'ils ont fondu sur toi avec la Gaule de Bruxelles-Amsterdam depuis le temps que t'attendais ça. Bitch. Alors Europe est née, et avec elle notre famille est née, et avec elle on a abattu les murs, les frontières, les tyrans. Je veux pas croire que tu l'aies oublié, toi à qui on a tout pardonné, tes infidélités consanguines dégueulasses avec ton oncle Sam, cette vieille folle frigide de Thatcher, cette reine mère ringarde, tes Spice Girls et tes frites au vinaigre, et dire que t'avais presque réussi à me faire aimer le roast beef à la menthe. Puis la gamine a commencé à grandir, forcément la libido en a pris un coup. J'ai senti que tu n'avais plus la même attention envers la petite, plus la même patience. Elle apprenait à peine à marcher que tu voulais la mettre sur un vélo. Elle apprenait à peine à parler que tu voulais la faire chanter. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, je te voyais t'en détacher. Et puis voilà. Aujourd'hui, Europe a 66 ans. À l'échelle d'un pays, c'est un bambin. Et toi, non seulement tu l'abandonnes, mais en plus tu la punis parce qu'elle t'exaspère. Tu t'imagines, c'est comme si tu giflais un gamin de 4 ans parce qu'il sait pas écrire. Tu sais, des enfants comme ça, il faut en prendre soin. Le nourrir, l'éduquer, mais aussi le faire rêver. Il faut du temps, de la sueur, de l'acharnement et beaucoup de patience. Alors oui, Britain, my great Britain, my dear, my sweetie, my love, my honey buddy, my dirty sugar baby. Je suis déçu, mais je te souhaite tout de même good luck, England. je pense que tu vas en avoir besoin. Ah, une fin de belle histoire qui fin se termine. Règne. Ah ouais, la fin d'une belle histoire d'amour entre l'Europe et l'Angleterre. Très belle lettre à Londres signée Paul Mosserec, vous allez pouvoir retrouver sur le rtbf.be/ovio. Raoul. Je m'insurge, la cuisine. Non, je m'insurge. Je m'insurge, la cuisine anglaise. Oui. Est très bonne. Bon, ça dépend. Oh, ben, ça dépend où vous allez manger. Bah, vous avez un estomac. Vous avez un estomac 4x4. À toute épreuve. C'est un tout terrain. Vous avez comme estomac. J'ai mangé du haggis dernièrement. Ah. Rien que le nom, ça fait peur. Quoi. C'est de la panse de brebis farcie. Ah bah oui, mais c'est ça. Et donc, vous savez que c'est cuit quand le liquide jaune sort de la... Oui. Mais c'est tellement bon que ça en vaut la peine. Ben oui, ben, voilà pourquoi on n'ira pas. Hein, voilà pourquoi on n'ira pas. Merci Raoul Reyer. Tiens, justement, tant que vous avez la parole, c'est maintenant, c'est l'instant, d'accord. C'est votre petit top 3. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Allez, mon petit haggis. Haggis. H-A-G-I-S. Merci. Inondation aux Pays-Bas. Il s'électrocute à cause de sa plantation de cannabis dans la cave. C'est con, évidemment, parce que ça pompe beaucoup une exploitation de cannabis. Et quand il faut retirer la prise et planquer les plants d'herbe avant de pouvoir appeler les pompiers en cas d'inondation, et ben voilà. Il a terminé comme ses plantes. Il a terminé au ciel et pas au 7e ciel comme les autres fois. C'est clair. Par contre, tout le quartier était stone. Quoi. Ouais. Parti en fumée. Eh oui. Allez, en numéro 2. Un octogénaire sourd opéré par erreur d'un œil à Limoges. C'est quoi un œil à Limoges ? Un œil, c'est un œil qui s'est perdu à Limoges, vous savez, où on fait les assiettes là. Ouais. Et donc le vieux monsieur avait retiré ses prothèses parce qu'on doit les retirer dans la salle d'attente avant d'aller à l'opération. Il est pour vous faire opérer, il a fait oui. Oui, c'est ça, il a dit monsieur, attends, il a cru comprendre son nom. Et ouais. Voilà, il est allé se faire opérer. L'infirmière a cru que c'était à son tour et hop, anesthésié, il dormait sur ses deux oreilles et quand il a ouvert l'œil, et ben voilà. Mais on lui a trouvé quelque chose. Bah, le médecin, il l'a opéré comme ça en se disant « Ah oui, effectivement, il y a un truc. Bah, » C'était un truc banal à la paupière, je suppose qu'il n'avait pas, mais voilà quoi. Écoutez, ouvrez l'œil quand vous allez vous faire opérer. Ou les oreilles, en ce cas-là. Allez, en numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. Pas inintéressant, Maggie Le Bloc va être intéressée. Le titre de Pizzaiolo bientôt réglementé. Oui. Deux sénateurs italiens veulent créer un examen pour garantir la qualité des pizzas. Mmh. Et ça va ton fils à l'école ? Tu m'aurais dit qu'il se cherchait un peu. Ben écoute, il a la pêche, il est en deuxième IFAP PME Pizzaiolo. Et aujourd'hui, il était un peu énervé parce qu'il passe son examen à calzone. Donc l'Italie a choisi la pizza napolitaine comme candidate à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Bien sûr. Ah bah, c'est d'accord. Mais tout à fait d'accord. Il faut signer la pétition. C'est mieux que votre Angus. Ah, c'est différent. C'est différent. Mais jamais goûté la pizza à l'andouillette. Non, jamais eu cette chance. Sur ces bons plans culinaires signés Raoul Reyer, je vous propose de vous inscrire, hein, repartir avec des cadeaux. Tiens, en parlant de panse, c'est le jeu de la vache, le jeu Pit que nous vous offrons. Repos Prod, c'est la maison d'édition basée en Belgique qui vous offre ce magnifique jeu. Ne vous effrayez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Il va falloir sortir votre téléphone de la poche. Envoyez ces trois lettres, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse pour le qui a dit du jour. Nous vous ferons des propositions dans un instant et le qui a dit, je vous le rappelle, il est très fort tactiquement. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? À vous de le déterminer dans la suite de ces presque sérieux. On s'informe, à tout de suite. Ça se passe sur la première. Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien, vivre plus intensément pour nourrir votre imagination ou créer. Vous souhaitez partager cette expérience avec nous ? La première vous invite à participer à Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui croquent leurs escapades pour vous donner un goût d'ailleurs. Envoyez vos témoignages et vos coordonnées à croqueur@rtbf.be. Croqueur au pluriel @rtbf.be. Plus d'infos sur lapremière.be. Ça fait un moment que je pensais au viager, moi, pour compléter ma petite pension. J'ai contacté Trévis Viager. Ben, ils étaient les seuls à me garantir un paiement sécurisé de mes rentes, avec leur nouvelle assurance viager. Avec cet argent, je suis plus serein pour l'avenir. Trévis Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Elle est pas belle la vie ? Chez Bricoplanit, c'est samedi 25 et lundi 27 juin, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. La première et la 3 présentent l'exposition de Salvador à Dalí. La plus grande expo jamais réalisée sur ma vie est mon œuvre fantasmagorique à découvrir dès le 27 février à la magnifique gare de Guimain à Liège. Avec le soutien de Knack, Le Vif, La Meuse, vous, BMW et Télépro. Info, expodali.be. Le Festival musical de Namur. 11 concerts de prestige pour une édition très colorée avec de véritables hits de la musique baroque. Du 1er au 9 juillet, dans le cadre du Festival de Wallonie. Info, festivaldenamur.be. Avec la première. Et t'as une nouvelle montre? Ah, t'as remarqué, je viens de l'acheter, à très bon prix. Ah, classe. C'est comme moi aussi, j'ai fait une belle affaire ce week-end. Ah bon? Ouais, regarde. Un porte-clé? Non, mais regarde la clé. Quoi? Une Mercedes? Ouais. C'est celle-là? Ouais. Tu veux faire un tour? Attends, je regarde ma montre. Oui, ça va, j'ai le temps. Jusque fin juin, chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. La première. 16h30. Votre journal, Simon Bourgeois. Bonjour Simon. Bonjour. Tennis, début du tournoi de Wimbledon aujourd'hui et déjà une Belge qualifiée pour le deuxième tour. Kirsten Flipkens a battu l'Américaine Nicole Gibbs, 76e mondiale. Victoire facile, 6-3, 6-1. Chez les hommes, David Goffin et Ruben Bemelmans, eux, sont en train de jouer. Ils viennent tous les deux de gagner leur premier set. Goffin contre le Britannique Alexander Wart, 245e mondial. Et Bemelmans contre le Brésilien Thomas Bellucci. En foot, au programme de l'Euro, aujourd'hui, les deux derniers huitièmes de finale. La tête d'affiche Espagne-Italie, c'est dans 1h30, coup d'envoi donc à 18h. Et puis à 21h, l'Angleterre joue contre les surprenants Islandais. Les Britanniques auront un nouveau Premier ministre le 2 septembre prochain et ce sera un pro-Brexit. Après la victoire du Out il y a 3 jours, David Cameron a annoncé sa démission, d'abord pour octobre, ce sera donc finalement pour début septembre. D'après Cameron, c'est ce successeur qui devrait enclencher officiellement la procédure de sortie de l'Union européenne. Et ce Brexit au cœur des discussions demain à Bruxelles, sommet européen de 2 jours. Les dirigeants des 28 discuteront notamment des modalités pratiques du départ du Royaume-Uni et de l'agenda. Et puis retour chez nous, des dizaines de tracteurs et des fermiers sur l'autoroute dans le sud du pays aujourd'hui. Ils roulaient vers le Luxembourg pour manifester devant le Conseil des ministres européens de l'agriculture. Les agriculteurs demandent de limiter la production de lait histoire de garantir des prix décents. Voilà pour les gros titres de l'actualité, Walid. Des titres qui seront développés tout à l'heure à 17h. Merci Simon. Retour de l'info avec Diane Burgel-Vernet à 17h sur la première. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30 avec Walid. Et quel début de semaine! Oh là là, quel début de semaine! Ah oui! Ah, oui. Alors, plusieurs choses à vous annoncer. Déjà, nous, notre saison ne s'arrête pas comme tout le monde, à savoir vendredi. Hier. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête vendredi, sauf nous. Nous poursuivons l'aventure presque sérieuse jusqu'au 15 juillet. Ouais. Et bonne nouvelle, nous serons de retour le 22 août. Ah ouais, avec plein de bonnes choses avec nos auditeurs chéris. En parlant d'auditeurs chéris, bien, accueillons Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Walid. Vous allez bien, auditeur vous... chéri, mon amour, l'amour de ma vie. Ah, vous avez quelle déclaration d'amour je fais à mes auditeurs, voilà, Jean-Claude Danval. Dites-moi. Ne vous faites pas trop d'illusions. l'amour de ma vie après Raoul Reyes. Ah ouais, bah, écoutez. Moi, oui. Ah, vous balance. Tout, ah, mais écoutez. Il faut prendre un ticket. Hein, ah, moi je partage. J'ai pas de soucis. Je partage. L'amour est là. Ah, Jean-Claude. Reprenez un apéritif pour nous, Jean-Claude. Qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est cette bonne humeur qui me fait plaisir. Monsieur ne mourrez pas à l'antenne. Hey, restez avec nous, c'est ça. Et si on jouait? Ne me faites pas la même histoire que la fois passée il y a quelques mois. C'était en Écosse et il y avait 400 distilleries de whisky, ah oui, de bière ou 400 flocons de neige. Et depuis, là, vous avez consommé. Allez, c'est bon. Hey, Jean-Claude. J'ai reçu Jean-Michel Follon dans la semaine et pas recommandé en plus. Ah, j'ai montré ça à tout le monde. Fier comme un bar tabac, comme dirait Coluche. Hein. Ah oui. Et alors, Jean-Claude est prof de français, oui, et d'histoire. Alors, rien que ça, moi, j'ai envie de venir suivre vos cours. Ah oui, ouais. Ah, c'est un prof qui donne envie à ses élèves. Mais des profs comme ça, j'en redemande. Vous êtes... et même, I speak English. C'est pas vrai. Ah, voilà. Ah oui, quand même. Ah, il y a du niveau. Ah oui. N'en faites pas trop. Pas le Brexit, hein, donc anglisme. Hein, donc, on avait compris. Pas trop mélangé. Jean-Claude, ne mélangeons plus rien et on va vous offrir des cadeaux. Et une phrase. Une phrase et des propositions que nous allons vous faire. Reprenons nos esprits. Qui aurait pu dire qu'il est très fort tactiquement ? Les propositions et entamons ces propositions par votre chouchou Raoul Reyers. Raoul, qui aurait pu dire il est très fort tactiquement ? Ben c'est très facile, c'est Charles Michel en parlant de Didier Reynders. Il a dit il est très fort tactiquement, il arrive toujours à être sur la photo avec le roi, alors que moi j'essaye aussi et je n'y parviens que très rarement. Si, Raoul, arrête de voir. Hey, c'est un bon jingle pour la saison prochaine. Alors, nouvelle proposition. Comme rire officiel. Nouvelle proposition signée Edgar Schotz. Il est très fort tactiquement. Edgar. Jean-Claude, vous allez rire. Il est très fort tactiquement. C'est évidemment ce qu'a dit notre reine Mathilde à l'issue du match d'hier à propos de Lukaku. Ou alors de Benteke. Ou peut-être de Batshuayi. On ne sait pas très bien. La reine Mathilde. Mathilde qui s'appelle Sa Majesté, là. Oui, voilà. Oui. Bon, c'est elle. C'est la même. La main, là, ah, top, pour la réponse. Attention. suivant, justement. Le suivant, c'est Paul Mosseret. Paul Mosseret, qui aurait pu dire il est très fort tactiquement ? Alors, il s'agit d'une... Enchanté. Paul Mosseret, Paul Mosseret, il est là, il est avec nous. Désolé. Pas de mal, aucun problème. On va pas y arriver. Alors, il s'agirait donc, selon moi, d'une source belge de la Libre Belgique à propos de Didier Seus. Hein, Seus, comment on dit ? Seus. Le diplomate belge, donc, qui a été nommé samedi par l'Union européenne à la tête du Brexit Task Force. Hein, je vais vous parler anglais, donc je me permets. On dirait un peu un nom d'avion de chasse. Hein. Donc, il négocierait donc la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Et donc, voilà. Il serait très fort tactiquement, Didier Seus. C'est ça. Didier Seus. Ok, une source belge donc qui aurait dit il est très fort tactiquement à la Libre Belgique. On va demander à Michael Albas, il est très fort tactiquement. Eh bien c'est Jean-Claude Juncker hein, qui parlait de David Cameron avant de connaître les résultats du Brexit. À l'annonce des résultats, il aurait déclaré mais quel con. Et enfin Corentin Candy pour Jean-Claude, il est très fort tactiquement. Eh bien non, c'est un psychanalyste viennois qui a dit ça. Un psychanalyste viennois. Ouais, en parlant de Stéphane Poels, qui est une des toutes premières victimes du virus Zika, entraînant la microcéphalie 45 ans avant tout le monde. Un psychanalyste viennois. Ouais. Eh bien, Jean-Claude, nous allons vous rappeler les propositions. Il est très fort tactiquement. On est sûr que Jean-Claude est toujours au téléphone. Oui, il est avec nous. Jean-Claude est là, hein, n'est-ce pas ? Jean-Claude est là. Je suis là. Alors, je vous rappelle les propositions. Nous avions Charles Michel, la reine Mathilde, une source belge à la Libre Belgique à propos de Didier Seus, un diplomate belge, et Jean-Claude Juncker ou un psychanalyste viennois. Qui aurait pu dire il est très fort tactiquement ? Eh bien, Walid. La reine Mathilde, Sa Majesté, là. Oui. Attention. Alors, ça vous éliminez. De dire des âneries comme ça. Non, ça, je peux pas vous laisser dire. Non, je respecte notre reine, quand même. Oui, bien sûr, vous avez raison. Professeur d'histoire. Pas scandale au village, j'ai la police ici à la porte. Déjà ? Bon. Ils sont réactifs. Alors, attention, je vous aide. On met de côté la reine Mathilde. Bon, on la laisse tranquille. Oui, voilà. Alors, il reste Charles Michel, une source belge, Jean-Claude Juncker ou un psychanalyste viennois. Qui d'autre souhaitez-vous éliminer, mon cher Jean-Claude ? Écoutez, celui que je vais garder, c'est Jean-Claude, puisque je m'appelle Jean-Claude. Jean-Claude Juncker, je pense que lui... Vous aimez bien qu'on vous aide. Alors, intelligemment. Jean-Claude. Oui, c'est pas lui non plus. Bon, voilà. Ça va. Il commence à vous connaître, hein, Walid. C'est ça. Alors, il reste une source belge ou un psychanalyste viennois ou Charles Michel ou la source belge. La source belge. Oui, à la Libre Belgique à propos de Didier Seus. Bon, pour la Libre Belgique alors. Non, c'est bon. Eh ben c'est ça. Bravo. Eh ben c'est ça. Oh, incroyable, excellent. Ce mec, il est excellent. Il est excellent. Il est très fort tactiquement. À propos, effectivement, de Didier Seus, le diplomate belge qui a été nommé samedi par l'Union européenne à la tête de la Brexit Task Force, qui négociera donc la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Âgé de 50 ans, monsieur Seus, jusqu'alors directeur des départements transport, télécommunications et énergie du Conseil européen, est un habitué des institutions européennes. Selon donc une source belge à la Libre Belgique, monsieur Seus est très fort tactiquement. Il sait se mettre à la place de chaque acteur et voit de suite où sont les possibilités d'accord à court et long terme. Ah ben on lui souhaite beaucoup de courage à monsieur Seus, des qualités qui lui seront indispensables. Oui. Il sait même lire son papier, il sait lire et écrire. Qui ça? T'as appris ça où toi? Je suis sûr que vous êtes professeur. Eh hey, grand, je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer le jeu de la vache, le jeu Pete aux éditions Roboprod. Vous allez vous amuser avec bien cet été. Et on va rajouter une clé USB pour votre bonne humeur, mon cher Jean-Claude. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux. Et dans la suite, on s'intéresse à l'actualité avec... faites comme Jean-Claude, jouez avec nous au jeu d'édico. Tiens, on va sortir un mot extrait de l'actualité du jour. Je ne vous donne pas le mot tout de suite, on vous proposera des définitions. Vous vous inscrivez en envoyant CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. 4 entrées pour le musée de la photographie de Charleroi ainsi qu'une clé USB, la première. C'est les cadeaux que nous vous offrons. Donc venez passer un bon moment dans la joie et dans la bonne humeur. Joie et bonne humeur au programme de la chronique de Mickaël Albas. Ses plans sans plus attendre, Mickaël, puisque nous parlons de l'esprit canal. Il est plaisant, il a tout à fait cet esprit dont vous parlez tout le temps. L'esprit canal. Voilà, l'esprit canal. Grande crainte, j'ai. Hein. Esprit, es-tu là? C'est un peu la question que se pose tout bon téléspectateur nostalgique des grandes années de Canal+, une chaîne qui fait sa révolution une fois encore avec des conséquences pour nous. Simple adepte ou pas, Mickaël Albas, vous avez peut-être la réponse. Eh oui, alors que de Bruxelles, les Anglais sont débarqués, que l'Angleterre se casse et le Royaume-Uni s'écosse, poids à poids, parlons télévision. Alors que la saison médiatique se termine, toutes les chaînes sont occupées à recharger leurs batteries en vue de la rentrée. Toutes? Non! Une radio d'irréductibles bobos résiste encore un peu à l'appel des vacances. C'est donc avec grand plaisir que je vais éviter de vous parler de l'autre naufrage signé Cameron. Mais restons tout de même dans l'eau avec un canal creusé par l'homme dans les années 80 et sur lequel nous avons vu surfer une flotte de talents qui ne pouvait passer nulle part ailleurs. Je parle évidemment de Canal+, chaîne détenue par Vincent Bolloré, celui qui jadis prêtait son bateau à Nicolas Sarkozy et qui aujourd'hui essaye de ne pas prendre la mer alors que les audiences ne donnent pas de quoi se marrer. Plus qu'à coup de génie, c'est à coup de millions que Bolloré impose son style et change jusqu'au nom de ses chaînes, puisque D8 s'appellera désormais, non pas Hanouna Télé comme on le pensait, mais C8 pour coller à l'identité Canal+. Hein. Canal+ pourrait désormais s'appeler Canal-, hein, ou C4 pour rester dans la veine. Car de la veine, ils sont peu à en avoir eu. Maïté Nabirabin, Ali Badou, autant de noms qui font grimper la courbe du chômage. Même le dieu Niso n'a pas été épargné. Tout ce beau monde quitte la chaîne cryptée de greffe ou de force. La faute à une direction d'assisté qui perd les pédales. Une équipe qui a même réussi à rendre les guignols encore moins drôles qu'elles ne l'étaient juste après JC, Jacques Chirac, hein, pas Jésus-Christ. Et seul le zapping nous convainc aujourd'hui de ne pas zapper définitivement. Hardissons-ils de vouloir tout changer après avoir déjà tout changé il y a un an, hein. Aucun de leurs choix n'a été payant, un comble pour une chaîne cryptée. Et à ce rythme-là, il ne restera bientôt plus que des séries américaines dont la partie financée par l'Europe est mise en danger à cause du Brexit. De quoi causer des ulcères à la direction qui demande de l'air à ses détracteurs. Rappelons qu'il leur reste aussi le journal du Hard et qu'il n'y a que sur Canal+ que l'on peut voir des péniches le samedi soir. Pas de chance, le seul qu'il voulait garder, Yann Barthès, gardien non pas de but mais de l'esprit canal, a lui décidé de partir, craignant sans doute que son petit journal ne suive le triste exemple de son grand frère devenu le gland journal avec son équipe de casse-noisettes. Certains diront même qu'ils ont remplacé Antoine par Decaune, mais ça ferait une de trop. Non, Barthès a décidé de partir en emportant son équipe sur TF1, la chaîne de 7 à 8, émission diffusée de 6 à 8, mais aussi de 50 minutes inside qui en dure en réalité 90, et de 5 à 7 avec Arthur. Là c'est juste, hein, 5 à 7, il s'agit du nombre de téléspectateurs si on en juge par la déprogrammation imminente de l'émission. Bref, sans employer le langage de la rue, on peut dire que la grande famille est décimée. Avant, c'était le burger quiz, maintenant c'est la télé fast-food, pas cher et toujours moins digeste. Il faut bien se rendre à l'évidence, Canal est devenu consensuel et encore le suffixe est à discuter à l'heure où le populisme devient populaire. On a tendance à appeler subversif ceux qui parlent à contre-courant, sans même savoir où ils vont, que ce soit en télé ou en politique d'ailleurs. Hein. Boris Johnson, Geert Wilders, Donald Trump, même combat, même coiffeur aussi visiblement. On déplore la disparition progressive progressif de ceux qui nous divertissent intelligemment, qui nous font rire et réfléchir en même temps. Oui, bien sûr qu'il en reste et j'en aperçois autour de cette table, car au fond, l'esprit canal, c'est un peu resté impertinent et presque sérieux en tout cas. Ah ouais, c'est vrai qu'on est né avec cet esprit canal pour la plupart, sauf Raoul qui a fondé l'esprit canal. Ah, moi, j'étais un des premiers abonnés. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'ai bien assez bien. Mais pas pour l'esprit canal. Et même le zapping est fini. Hein. C'est vrai. Ils viennent de l'annoncer dans la dernière conférence de presse. Fini. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est fini. Le zapping, c'est fini. Il reste plus que le samedi soir. Voilà. Et encore avec une bonne passoire. Ah, la vieille vanne. Faites ce que vous voulez. L'esprit canal est mort, mais l'esprit presque sérieux, pas. À 16h44, on revient dans un instant avec une presque star. Et alors attention, quand je dis presque star, c'est du gros dossier, les amis. Oui. Alors là, oui. Vous nous avez réservé quelque chose de très très beau. Dans la veine de l'esprit canal. Ah. Ah ouais. Restez presque sérieux, restez avec nous. Vous aurez l'occasion de découvrir cette presque star dans quelques minutes. On va jouer également au presque jeu dédico un mot et une actualité. Nous allons mettre en avant CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse pour repartir avec des entrées pour le musée de la photographie de Charleroi ainsi qu'une clé USB la première. C'est maintenant, c'est l'instant. Il faut prendre son téléphone et envoyer ces trois lettres. En attendant, on revient. Ne bougez pas. C'est presque sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Essuie de sport ou essuie de bain? Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. La première et la 3 présentent Comble à la Tour, le Comble un Jazz Festival, Keb Mo, Paolo Fresu, Trilo Courtois, Omar Sosa, Roland Chaconte, Kelassou, Carmen Souza, Pascal Mohi et plus encore. Comble la Tour. 3 jours de jazz, de blues et de musique inouïe, les 1er, 2 et 3 juillet à Comble à la Tour. Info, combleunjazzfestival.be. Comble à la Tour. Avec Le Soir et RTC Télé Liège. Les musicales de Belœil 2016, place à la danse. 8 heures de programmation, des centaines d'artistes et des projets chorégraphiques pour petits et grands. Venez profiter de découvertes musicales dans une ambiance festive et familiale, sans oublier le feu d'artifice. Les musicales de Belœil, le 6 août dès midi. Info et réservation, lesmusicalesdebelœil.be ou Ticketmaster, avec La Première, La Une et La Libre Belgique. La Première, Mobile Info. Et à 16h46, retrouvons Claudine Fine. Claudine, que se passe-t-il sur nos routes? Eh bien, l'automobiliste nous signale un accident sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Aubourg, sur la bande de droite. Attention, en direction de Mons. Sur la ring de Bruxelles, a signalé quelques ralentissements en circulation extérieure entre Grand Bigard et Hautitre, plus 30 minutes, ainsi qu'entre Zaventem et Grand Bigard, plus 15 minutes. Et en circulation intérieure, ça bloque entre Hautitre et Grand Bigard, plus 15 minutes. Et entre Zaventem et Carrefour-le-Nard, là aussi, plus 15 minutes. Mobiris nous signale des ralentissements dans la capitale, du tunnel Louise au tunnel Léopold II vers la Basilique et dans le tunnel Porte de Halle et dans le tunnel de Porte de Halle vers le Botanique dans la direction du Midi donc. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Événement dans un instant avec une presque star. Et le mot presque est de trop, je dirais même. Ah ouais. On se réjouit d'avance. Ah ben, restez avec nous, ce sera dans un instant le temps pour nous nous intéresser à l'actualité avec un mot extrait de la presse du jour. Et jouons avec Gina du côté de Tamine. Bonjour Gina. Bonjour Walid, bonjour tout le monde. Bonjour Gina. Ah, c'est beau, ça sonne bien. Ah là, là le rire du lundi, moi je trouve que c'est la femme de Jean-Claude. C'est ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de plus beau. Gina, ravi de passer un petit moment de bonne humeur avec vous, avec un mot que nous allons vous proposer des définitions, à vous de déterminer parmi nos chroniqueurs du jour qui a la bonne définition. Et le mot du jour est super grâce. Raoul Reyer, super grâce. Vous n'oseriez pas quand même. Allez-y, faites-vous plaisir. Non. Supergrass, c'est un groupe de rock anglais originaire d'Oxford. C'est vrai. Et le groupe connaît le succès au milieu des années 90, notamment avec leur album Hey Shoot Coco. Si, je me jure. Un groupe de rock. On va demander à Edgar Schott, Supergrass. Supergrass, du latin super, qui signifie notamment super, et de l'anglais grass, qui signifie notamment herbe. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. L'herbe est plus verte. Ah ouais. La bonne herbe, donc, la super herbe. On va demander à Paul Mosseret, Supergrass. Ouais, alors, Supergrass, c'est le nouveau produit phare de Monsanto. En fait, le Roundup étant pratiquement interdit en Europe, hein, Monsanto sort une nouvelle carte de sa manche avec ce produit. En fait, il s'agirait d'une sorte de sirop que le consommateur ingère pour par la suite pouvoir consommer sans risque de cancer des produits ayant poussé sous Roundup, quoi. Bon, évidemment, ça marche qu'une semaine, donc il faut en prendre tous les lundis. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Supergrass, voilà. Pour Michael Albas. C'est vrai qu'on dirait un nom de groupe de rock des années 90, mais il s'agit en réalité d'un informateur dans le jargon britannique. Un informateur. Et enfin, Corentin Candy. Corentin, le Supergrass. Eh bien non, Walid, un Supergrass, c'est un super-héros de la littérature allemande, un super-écrivain, super-allemand, super-prix Nobel, et également super-jeunesse hitlérienne. Voilà. Super Günther Grass. J'étais sûr qu'il allait. Ce mec est fou, quoi. Un super-héros de la littérature allemande. Littérature allemande. Ok, et Gina, les propositions, oui, je vous les rappelle, de définition. Un groupe de rock, de la super herbe, un produit de Monsanto, autrement dit un sirop, un informateur dans le jargon britannique, ou un super-héros de la littérature allemande. Mais c'est évidemment le groupe, mais toutes les définitions sont comiques, hein, donc je les prends toutes aussi. Ah ben là, effectivement, si vous prenez tout, effectivement, c'est gagné. Mais alors, c'est non, assez non, trompeur. C'est le groupe. Alors, c'est assez trompeur. Le groupe Supergrass. Alors, pourquoi on parlerait, oui, du groupe Supergrass? Oh là là, ben, je sais pas, ils ont sorti un nouvel album. Et ils chantaient quoi, Supergrass? Hey, je suis We are young. Oui, non. Non, non, non. Voilà, c'est pour ça qu'on fera jamais de voice. Oui, oui, oui, oui. Alors, je vais vous aider, ce n'est pas le groupe de rock. Mais vous avez raison, Supergrass est un groupe de rock. Oui. Alors. Alors. Est-ce que c'est une super herbe? Est-ce que c'est un sirop produit par Monsanto? Est-ce que c'est un informateur dans le jargon britannique ou c'est un super-héros de la littérature allemande? Il y a un pays dont on parle dans l'actualité beaucoup en ce moment. Alors, rappelez-moi. Alors, je vais vous rappeler la bonne proposition. Oui. Informateur dans le jargon britannique. Oui, c'est l'informateur. Ah ben voilà. Bravo. Effectivement, informateur. Pour quelle raison? Eh bien, on en parle dans toute la presse. Mohamed Abrini serait informateur de la police britannique. C'est ce qu'on a appris dans le Times. Quand vous dites serait, oui, était. Surtout, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles Airport a aidé les officiers britanniques à recueillir des informations sur les complots terroristes présumés. Les sympathisants djihadistes au Royaume-Uni auraient ainsi retourné sa veste. Dans le jargon britannique, un supergrass est un informateur qui, en échange d'informations importantes impliquant un grand nombre de personnes, peut espérer une immunité au niveau des poursuites, voire une peine plus clémente ou une nouvelle identité. Donc voilà, en attendant, il est écroué, comme on dit, en détention préventive à la prison de Bruges, et c'est la raison pour laquelle ce mot apparaît dans la presse du jour. Bravo à vous, ma chère Gina, on vous envoie très rapidement 4 entrées pour le musée de la photographie de Charleroi, ainsi qu'une clé USB. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses et restez également attentives, car notre presque star est avec nous. Quand je dis le mot presque star, le mot presque est de trop. Presque sérieux sur la première. Son prénom est Eden. Non, il s'appelle Marc. Ah non, quoique c'était un petit bout de paradis à lui tout seul. Il s'appelle Patrick. Patrick est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour. Voilà, alors pour quelle raison Patrick est notre invité aujourd'hui? Pour quelle raison on parle de Patrick dans la presse? À vous de le déterminer. Parmi les questions que vous allez me poser, je ne réponds que oui ou non et vous aurez même droit à un indice. Allez, c'est parti. Donc c'est lié à Canal+. C'est lié à Canal+. Oui, il y a un lien, mais indirect, mais c'est pas pour ça qu'on parle de médias. Il est dans les médias. C'est Balkany. C'est Patrick Balkany, non. Il fait tourner les serviettes. Il fait tourner les serviettes. Patrick Sébastien. Non, c'est pas lui. Génial. C'est lié au Diable Rouge. C'est lié au Diable Rouge? Non, absolument pas. C'est lié à la télévision? C'est lié à la télévision? Non. On ne parle pas de lui parce que il est lié de près ou de loin à la télévision. Alors, absolument il a créé pas. Quelque chose? Non. C'est un Anglais qui regrette son vote, mais il a voté pour le maintien. Non. On le connaît bien. Ah, à la RTBF? On connaît partout. En Belgique, son nom, voilà. Quand... Il chante des trucs corses? Non. Ça ne peut pas être Patrick Topalov? Non. Patrick Chabou? Non. C'est un journaliste? Un journaliste, oui. En Belgique. Sportif. Enfin, pas en Belgique, mais en tout cas, il va arriver en Belgique. Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor? Non. Pourquoi? Parce qu'il arrive. Il commente l'homme gang. Il commente l'homme gang, c'est gagné, les amis. Patrick Poivre d'Arvor est avec nous. Parce que chaque année, début du mois de juillet, l'Homogang parcourt la superbe Grand Place de Bruxelles. Et il est là pour nous en parler. Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Ben, super bien. Alors, justement, l'Homogang qui officiera une fois de plus hein, autour de la superbe Grand Place de Bruxelles. Vous serez là en tant que voix. Vous avez déjà les textes, vous avez déjà parcouru un peu l'histoire de l'Homogang. Alors, l'histoire, je la connais pas mal, mais les textes, je ne les ai pas encore. Non. Mmh. Et je suis impatient parce que ça a une très bonne réputation en France. C'est un endroit convivial comme on les aime. Il se passe quelque chose, la famille entière peut venir, on se rappelle de nos racines, en ce qui vous concerne, on se rappelle que la Belgique a longtemps été unie, enfin vous voyez, des tas de choses comme ça qui nous sont bien utiles au moral en ce moment. Et effectivement, du spectacle, il y en aura. Est-ce que vous pouvez me rappeler la date ? La date, ça va se passer le 5 et le 7 juillet. Effectivement. On fera donc le mardi et le jeudi, et donc un spectacle qui a lieu sur la Grand Place. Deux heures de spectacle, deux kilomètres de cortège, 1400 figurants, 47 groupes folkloriques. Alors, on revient avec des drapeaux, des chevaux, c'est la gloire et la majesté de l'empereur Charles Quint, accompagné de son fils, c'est bien ça, hein, Philippe Prince, héritier d'espagne, le duc de Brabant, ainsi que les sœurs de l'empereur. Philippe II, quand il était arrivé, il avait été accueilli à Bruxelles par cette grande procession, mais c'est une procession qui existait déjà depuis au moins deux siècles. Hein. Ça a dû commencer dans les années 1350, et lui, il arrive en 1547, je crois, de mémoire, et il est accueilli d'une manière extrêmement majestueuse. Et là, le héros, qui est chargé de raconter cette belle histoire, donc ça a été, il n'y a pas si longtemps, Stéphane Bern, ça a été Francis Huster, ça a été Eric Emmanuel Schmitt l'année dernière. Le héros raconte cette histoire et pendant qu'il raconte, les spectateurs assistent à cette procession, qui est une procession, je crois qu'au temps, justement, ça veut dire procession circulaire. C'est ça. De grande déambulation circulaire. Le Homogang, les 5 et 7 juillet, avec la voix donc de ce héros emmené par Patrick Poivre d'Arvor. Il y a encore des places et on mettra toutes les informations sur la page de la première.be et sur le Facebook de l'émission. Une procession qui a renaît de ses cendres en 1930. Voilà, pour le savoir, oui, pour le centenaire de la Belgique. C'était pour voilà. Bruxelles à ce moment-là qui avait tout fait avec quelques historiens pour faire repartir cette belle idée. Et je crois qu'à chaque fois, c'est un moment d'histoire, justement, et très festif. Rendez-vous les 5 et 7 juillet. Aujourd'hui encore, une tradition qui perdure et qui fait partie intégrante du folklore de notre belle capitale. Et il y sera les 5 et 7 juillet. Patrick Poivre d'Arvor, il était notre star du jour. Nous l'avions au téléphone, la raison pour laquelle on parle de lui dans la presse. Merci Patrick Poivre d'Arvor. À bientôt. À très vite, rendez-vous les 5 et 7 juillet. Effectivement, et rendez-vous sur la page de la première. Et nous, on s'informe d'ici quelques petites minutes et on aura l'occasion de revenir sur toute l'actu. J'aurais dû lui demander qu'est-ce qu'il pense de Canal. Ah ouais, ouais, mais on n'avait pas le temps, mais c'est pas grave, on l'invitera. On l'invitera. Restez presque sérieux, à tout de suite. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Oh, un nouveau smartphone ! Ah oui, ça sonne bien, ça. Ou des vacances au soleil ! Oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Crème solaire ? Check. Enfant ? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un toulou-tou, toubidou-down. Magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. La première et la 3 présentent... Aujourd'hui, la photographie est partout. Aujourd'hui, la photographie montre tout. Mais c'est au musée de la photographie à Charleroi qu'elle se dévoile le mieux. Et si vous veniez à sa rencontre? Plus d'infos, museephoto.be. Avec la complicité du journal Le Soir. La météo. Bonne fin de journée à tous. Les fines pluies vont avoir tendance à s'évacuer ce soir et l'année prochaine. Les minima resteront compris entre 10 et 13 degrés. Demain, on retrouvera des éclaircies déjà sur l'ouest et puis là où la grisaille est un petit peu plus présente, le long des frontières de l'est, il y aura aussi quelques trouées dans le courant de la journée. On maintient demain quelques rares averses possibles près de la frontière luxembourgeoise. Les maxima, comme aujourd'hui, iront de 16 à 20 degrés, peut-être même 21 du côté de la Campine. Pour la suite, on s'attend mercredi à la poursuite d'un temps sec, mais qui deviendra de plus en plus nuageux dans la nuit de mercredi à jeudi. Et jeudi, on aura une faible zone de pluie qui va traverser notre pays. Vendredi, à nouveau une accalmie. Les températures resteront proches de 16 à 21 degrés. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les communes bruxelloises depuis le Brexit. Des Britanniques qui résident en Belgique se rendent dans leur administration communale. Ils sont prêts pour la plupart à acquérir la nationalité belge. Dans ce journal, nous prendrons aussi des nouvelles des Diables Rouges, des Diables qui ont livré une magnifique prestation face à la Hongrie hier soir et qui doivent déjà préparer leur quart de finale de vendredi face au Pays de Galles. Des nouvelles de vos conditions de circulation, c'est avec Claudine Fine. Le point noir à cette heure-ci est le chantier à hauteur d'Anderlecht sur le ring de Bruxelles qui provoque des ralentissements dans les deux sens. Ajoutez 30 minutes à votre trajet vers au titre et 20 minutes dans l'autre sens. Le divorce n'est pas encore notifié, mais les Britanniques écœurés par le Brexit entreprennent des démarches pour changer de nationalité. Des citoyens britanniques de Waterloo se sont par exemple déjà renseignés sur les modalités pratiques, mais ce ne sont pas les seuls, comme l'a constaté Hélène Maquet en région bruxelloise. Derrière son guichet de l'état civil, à la maison communale d'Ixelles, Christian Duchâteau reçoit les demandes d'acquisition de la nationalité. Vendredi matin à 7h22, j'ai reçu déjà un premier mail d'une Britannique demandant pour pouvoir se renseigner pour faire la demande de nationalité belge. Depuis, une trentaine de Britanniques se sont manifestés. À Woluwe-Saint-Pierre, le bourgmestre Benoît Sorex est témoin des mêmes demandes. Ah, les gens sont même venus avant l'ouverture des guichets pour être sûrs de pouvoir que leur dossier soit traité ce matin. On a eu une dizaine de personnes qui sont déjà venues demander des renseignements. Nous en avions eu 3-4 vendredi, donc c'est nettement plus qu'au cours des semaines précédentes. Jusqu'ici, les Britanniques ne cherchaient pas à acquérir la nationalité belge, pour laquelle il y a des conditions à remplir. C'est la résidence de 5 ans ici en Belgique, le fait de prouver son intégration au niveau économique et de parler une des langues nationales. Et c'est le cas de nombreux résidents britanniques. C'est ce que sous-entend la bourgmestre d'Ixelles, Dominique Dufourny. 1500 Britanniques habitent sa commune. Ce sont vraiment des familles installées dont les enfants sont à l'école et dans l'attente, autant se sécuriser si on veut rester. Les ressortissants britanniques sont inquiets. Derrière son guichet d'Ixelles, Christian Duchâteau l'a constaté. De manière générale, les gens sont paniqués et qui se demandent vers où ils vont aller. Après avoir introduit la demande de nationalité, il faut 4 mois. Pour obtenir une réponse. Un reportage d'Hélène Maquet et Anne-Carole Severne. 4 jours après la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, c'est l'heure des grandes manœuvres diplomatiques. Ce soir à Berlin, Angela Merkel reçoit le président français François Hollande et le président du Conseil italien Matteo Renzi. Autre temps fort de la semaine, demain à Bruxelles, l'ouverture d'un Conseil européen de 2 jours pour organiser la séparation avec le Royaume-Uni. En attendant que Londres introduise officiellement la demande de divorce, le gouvernement de David Cameron crée un département spécial chargé de gérer le Brexit. Par ailleurs, cet après-midi, le Parti conservateur a annoncé que le successeur de l'actuel Premier ministre, celui qui devra conduire le Brexit, celui-là sera nommé d'ici le 2 septembre. Un résultat, 91% des élèves de 6e primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont réussi le CEB. Le taux de réussite est un peu moins élevé que les années précédentes. Épreuve trop facile, examinateur trop coulant, critères d'exigence trop faibles. Comme chaque année, l'épreuve a soulevé son lot de polémiques et de questions comme celle-ci. Doit-on corriger de la même façon les copies sans tenir compte de l'école et du milieu socio-économique de l'élève? Élément de réponse avec Miguel Allot. Lors de la correction, les professeurs se réunissent par secteur, tout réseau confondu. Ils se répartissent les questions en chaîne de correction. Ils ne corrigent donc pas un examen complet. En théorie, ils ne peuvent identifier ni l'école, ni l'élève concerné. Les copies n'ont comme identifiant qu'une lettre et un numéro. Cela doit garantir un traitement identique à tous les élèves. Mais dans les faits, est-il vraiment souhaitable de corriger de la même façon toutes les copies? Marc-Antoine Polis est directeur au Paradis des enfants à Bruxelles. On est censé corriger de la même façon, c'est-à-dire qu'on a des critères, mais c'est vrai qu'on regarde un petit peu la copie et qu'en fonction des copies, on essaye d'être le plus objectif possible par rapport aux différentes copies. C'est-à-dire que on a des écoles où on ressent qu'il y a certaines difficultés et c'est vrai que la structure de phrase, on fait attention. Par exemple, on a une structure de phrase beaucoup plus complexe qu'on demande ici aux examens dans l'école, mais dans d'autres écoles, on se rend bien compte que ce n'est pas possible. Rappelons que le CEB sert à certifier que l'élève a bien les compétences de base en fin de 6e primaire. Mais la réalité est que tous les élèves n'arrivent pas nécessairement avec le même bagage au moment de ces épreuves. Pas simple dans ce contexte d'établir des examens pour tous qui seront de toute façon trop faciles pour les uns et difficiles pour les autres. Il y a tout juste 80 ans, les travailleurs belges obtenaient le droit à des congés payés. D'une semaine en 1936, la durée de ces congés va rapidement augmenter. À l'époque, il s'agit d'une véritable révolution. 80 ans plus tard, on constate encore des disparités en matière de congés. Une étude du syndicat Neutre pour Indépendants montre que les entrepreneurs prennent en moyenne 18 jours de vacances par an, contre 30 pour les salariés. Alors pensez-vous que les Belges soient tous égaux face aux congés? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première. Et vous pouvez réagir dès à présent. Nous appelons 02 737 33 33. Vous pouvez envoyer un courriel à matin1@rtbf.be. Vous rendre bien sûr sur la page Facebook de Matin Première et réagir encore via Twitter avec le hashtag Matin1. Du repos bien mérité pour certains, au boulot pour les autres. Après leur époustouflante prestation hier face à la Hongrie, les Diables Rouges préparent déjà la suite. Et la suite, c'est la rencontre de ce vendredi face au Pays de Galles. Bonsoir Manu Jousse. Bonsoir Diane. Alors d'abord, est-ce que vous êtes remis de vos émotions ? Oui, effectivement, mais elles se succèdent, hein, les émotions, puisque vous l'avez dit, le quart de finale, ce sera déjà vendredi. Il y a eu un entraînement ici dans les installations du Haillan à Bordeaux, où les Diables Rouges sont revenus, mais un entraînement qui ne concernait que 12 joueurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque lendemain de match, les réservistes, entraînement assez intensif, basé sur le physique d'abord, des courses, des accélérations, des replacements, et puis plus ludique avec opposition 6 contre 6. 6, intensif aussi parce qu'il y aura au moins une place à prendre en défense, puisque vous le savez, Vermaelen sera suspendu. Les titulaires étaient au repos, à l'hôtel, avant ce quart de finale vendredi contre le Pays de Galles, un match qui suscite déjà beaucoup d'enthousiasme du point de vue du public belge, puisqu'on attend 25 000 supporters dans la fan zone et que les Diables Rouges vont quasiment retrouver la frontière belge après des premières rencontres disputées dans le sud de la France. Signaler encore que l'ambiance était un peu lourde du côté des représentants de l'Union belge aujourd'hui, puisqu'on a appris le décès à 50 ans d'Eric Reinhardt, fondateur du fan club 1895, la fédération des clubs des supporters des Diables Rouges. Eric Reinhardt, victime d'un arrêt cardiaque hier à Toulouse après le match Belgique-Hongrie auquel il avait assisté. Manuel Jousse, notre envoyé spécial. En attendant vendredi, la belle affiche de ce soir, c'est à 18h. L'Italie affronte l'Espagne en 8e de finale. On ne quitte pas la pelouse, mais on dira plutôt gazon. Le tournoi de tennis de Wimbledon a commencé aujourd'hui. Il y a 5 Belges engagés, dont 4 entament aujourd'hui leur premier tour. Une victoire déjà chez les dames. Kirsten Flipkens l'a emporté en 2-7, 6-3, 6-1 face à l'américaine Nicole Gibbs. La surprise de ce premier tour, c'est l'élimination d'Anna Ivanovic, ancienne numéro 1 mondiale. Chez les messieurs, 2 rencontres. Contre en cours, David Goffin affronte l'anglais Alexander Ward. Le Belge a emporté les deux premiers sets, 6-2, 6-3. Et Ruben Bemmelmans s'est opposé à Thomas Bellucci. Bemmelmans mène pour le moment, il a gagné le premier set, 6-3. Merci de nous être fidèles. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Là, chez vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. 17h08 sur la première, c'est toujours presque sérieux. Effectivement, retour dans l'information tout à l'heure à 17h30 pour soir première. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. De la joie, de la bonne humeur, de l'impertinence, du rire, de bons moments passés avec vous tous les jours de la semaine sur la première, durant une heure et demie, toute l'actualité, rien que l'actualité, sous la loupe de nos beaux esprits, avec Mickaël Elbaz qui fait partie de la bande aujourd'hui. Bonjour Mickaël, il y a Paul Mosseret également, bonjour Paul. Hello. Il y a Raoul Reyers, The Raoul. Et The Walid. Et The Raoul. The Walid. The Raoul. Arrêtez de vous lancer des fleurs tous les deux. Je pourrais faire une émission complète comme ça. Il y a également Jean-Claude, celui qui nous parlera de l'ouverture de l'expo Restez vivant de Michel Houellebecq au Palais de Tokyo. C'est Edgar Schotz. Bonjour Edgar. Présent. Corentin Candy, qu'on n'a absolument pas entendu aujourd'hui. Quatre fois. Bonjour, bonjour à toi, cher auditeur. Il compte. On parlera de la situation dans le monde et les gens en particulier avec vous. Ce sera au menu de 7h30. Et puis, attention, dans cette dernière ligne droite, il y a du pendant ce temps-là et il y a du presque un jour dans l'histoire que voici justement. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy ça. Hey Houston, on a un problème ici. Rendez-vous demain durant une heure avec l'histoire et Laurent Dehausset sur la première entre 13h30 et 14h30 au sommaire de demain. Eh bien, nous ferons connaissance avec Dominique Delesseps. C'est le mec qui faisait des musculation. Diplomate français à Bruxelles au milieu du 18e siècle. Tout un programme donc durant 60 minutes. Rendez-vous et avec la famille de Ferdinand qui a creusé le canal de Panama. Effectivement, monsieur. De Suez. De Suez. C'est un noble. Question. De Laurent Dehausset, en rapport avec le 27 juin, voici la question. J'apparais un 27 juin magique, je ne le suis qu'aux yeux des enfants et je ne distribue pas que du bonheur, de quoi parle-t-on ? Alors, c'est pas Donald Trump. Non, c'est pas Donald Trump, c'est pas Jean-Luc Lahaye. C'est pas Michael Jackson non plus. C'est pas Michael Jackson non plus, non. Apparition un 27 juin magique pour les enfants, il ne distribue pas que du bonheur, de quoi parle-t-on ? Le clown, non. On a inventé le clown. Non. Ronald McDonald. Non, pas Ronald McDonald. Non. Tout le monde l'utilise aujourd'hui et il fait son apparition le 27 juin 1967. Distributeur de chewing-gum. On n'est pas très loin. Le distributeur de donuts. C'est un distributeur de donuts. Non, ça n'existe pas. Distributeur. C'est, oui. Magique. Mais ne distribue pas que du bonheur. Ah oui. C'est plus un jour dans l'histoire, c'est un rébus. Alors, à votre avis. Les petites machines là où on va chercher les nounours. Non, pas les petites machines. C'est des petites machines où on va chercher quoi ? Oui. On va chercher quoi ? Ah, ça fait pas le bonheur. Qu'est-ce qui fait pas le bonheur ? L'argent. Oui, l'argent. Voilà, effectivement. Le premier guichet automatique bancaire développé par Delarue. Delarue qui est une entreprise. Il était vraiment dans tous les métiers. Un imprimeur et un fabricant britannique de papier. La compagnie qui a été fondée en 1821 par le fameux Thomas Delarue. Il fabriquait des billets de banque et des timbres-poste pour de nombreux pays, ainsi que des jeux de cartes, des chéquiers bancaires, des papiers d'identité homologués et sécurisés. Bref, fabriqué par Delarue, le premier guichet automatique bancaire, distributeur automatique de billets, guichet automatique au Québec, Bancomat en Suisse et en Italie, Bancontact ou encore Mister Cash en Belgique. Ça, c'est bien quand vous allez en France et que vous dites, vous n'avez pas un Mister Cash ou un Bancontact, on fait. Hein? Voilà, effectivement, voilà, c'est ça. Donc, c'est un 27 juin 1967 qu'apparaît le premier guichet automatique. Rendez-vous avec l'actualité dans un instant et on abordera l'ouverture de l'expo Restez vivant de Michel Houellebecq au Palais de Tokyo. Mais avant cela, voici le pendant ce temps-là du jour. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, plus de 90% des élèves ont réussi leur CEB. Et les 10% qui restent feront carrière en politique. Et pendant ce temps-là, IKEA rappelle des chocolats pour risque d'allergie. Raoul, c'est quoi ce bruit ? Depuis un petit moment, c'est mon estomac qui parle suédois. Roule de sable, Volvo. Et pendant ce temps-là, la Loterie Nationale a distribué 623 millions d'euros de gains en 2015. Et la Loterie Nationale remercie, bien évidemment, tous ceux qui ont perdu. Et pendant ce temps-là, après l'Euro 2016... Découvrez dans tous les hôpitaux l'Euro 2016, pour tous ceux qui ont un problème de prostate. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Et si on parlait de Michel Houellebecq et de son exposition ? Tu déjeuneras seul, d'un panini saumon, dans la rue de Choiseul. Et tu trouveras ça bon. Cet été, l'écrivain Michel Houellebecq s'improvise plasticien, expose ses installations au Palais de Tokyo à Paris, une expo que vous n'avez pas visitée pour nous, Edgar Schott, ce qui ne vous empêche pas donc d'avoir un avis dessus. C'est mais bien, oui, évidemment, Michel Houellebecq, le seul écrivain à propos de qui même Raja Nainggolan peut dire que sa coiffure est un peu ridicule. Michel Houellebecq, dont l'imagination est sans limite, je vous rappelle quand même que dans Soumission, son dernier roman, il imagine que la France, en 2022, se dote d'un président islamiste. Vous allez me dire, ça ne mange pas de pain. Il suffit de regarder trois couvertures du Vifle Express d'affilée pour avoir la même impression. Mais on l'oublie trop souvent, dans le même roman, le dit président décide de choisir François Bayrou comme Premier ministre. Mmh. Non mais François Bayrou, Premier ministre, ça montre quand même une capacité assez exceptionnelle à explorer, disons, en profondeur des mondes assez parallèles. Michel Houellebecq, qui n'aura pas besoin de se coller des patchs nicotiniques le jour où il voudra arrêter de fumer, il n'aura qu'à sucer son pouce, ou n'importe lequel de ses autres doigts, il y a des réserves pour au moins trois cancers. Michel Houellebecq, qu'on connaît surtout comme romancier, mais qui n'en a pas moins également été cinéaste, poète, parolier et chanteur sur l'improbable album Présence humaine, album où Bertrand Burgala met en musique ses rimes de mirliton. Pour la bonne bouche, je vais demander à Vincent Van Der Venet de nous remettre cet inoubliable extrait du poème Pic de pollution. Tu déjeuneras seul d'un panini saumon dans la rue de Choiseul. Tu trouveras ça bon. Ah ouais, saumon bon, Choiseul et panini. Et seul. Ouais, et seul tu déjeuneras seul d'un panini saumon dans la rue de Choiseul et tu trouveras ça bon. Voilà un vers d'une, enfin des vers d'une indéniable harmonie et qui présente en outre l'avantage de déclinaisons infinies. Voici par exemple ce que je propose, mais je suis sûr que nos auditrices et auditeurs sont capables de faire beaucoup mieux. Je propose peut-être un petit concours sur la page Facebook. Faites-vous plaisir. Tu goûteras avec elle, dont tu ignores le nom, un durum falafel et une vieille pêche au thon. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. C'est beau ça. C'est tiens, sur la page Facebook, faites les mêmes rimes que Michel Houellebecq. Devenez presque Houellebecq. Voilà. Ah, le presque Houellebecq game, on va le lancer ça, tiens. Alors, allez savoir pourquoi Houellebecq, ça a toujours réveillé chez moi le goût du pastiche. Ainsi, quand il a publié La carte et le territoire, ça m'a donné envie de sortir un truc qui s'appellerait La machine à laver et le mode d'emploi. Ou alors, peut-être plus adéquat, le Xanax et la notice. En fait, je crois que ce qui m'irrite chez Houellebecq, c'est cette manie du contre-pied permanent, cette volonté obstinée de n'être jamais où on l'attend. Et en fait, il tient tellement à être là où on ne l'attend pas qu'il en devient sinistrement prévisible. C'est encore le cas avec cette exposition qui vient de s'ouvrir, du moins si je peux croire ce que j'en ai lu. On y voit des photos de vaches dans des champs, des lampadaires éclairant d'une lumière blafarde des cités sinistres, mais surtout, deux salles sont consacrées à celui qui a partagé la vie de l'écrivain de 2000 à 2011. J'ai nommé son chien Clément. Un diaporama montre des photos de Clément à la mer, Clément à la montagne, mais contrairement à Martine, Clément ne semble pas avoir d'amis noirs. Et puis surtout sont exposés 31 jouets de Clément, hein, 31 jouets qui sont issus du divorce de Michel avec sa compagne, et c'est la moitié des jouets qu'il a pu garder. Mmh. Bon, je vous passe les détails, mais je peux donc, vu cette prévisibilité, vous l'annoncer en primeur. Son prochain livre sera intitulé « Dépasser Schopenhauer » et il prendra la forme d'une discussion anti-heideggerienne à trois voix, autrement dit un dialogue avec Jean Roucas et Stéphane Powels, illustré de dessins de Mohamed réalisés avec la queue empaillée de Clément. Ah, merci moi Edgar pour cette chronique à retrouver sur rtbf.be/ovio. Et l'album de Houellebecq vient d'être réédité en vinyle. C'est pas vrai. Quelle bonne idée. C'est bon ça pour cet été, vous êtes sur la plage, vous n'avez pas de frisbee. Vous savez que c'est un de mes albums cultes. C'est vrai. Oh, c'est plaisant, ouais. Écoutez. Ouais, ouais. C'est sympathique. Non, ouais. Je vous le prêterai, vous verrez. Vous serez con. Paris-Dourdan, par exemple. Paris-Dourdan. Ouais. Ouais. Je ne sais pas vous le chanter parce que moi je ne suis pas chanteur comme lui. Lui non. Lui non plus, j'allais dire. Et c'est ça, Jean-Louis Aubert. Tiens, Jean-Louis donc Aubert on joue presque Houellebecq. Rappelez-nous les vers, mon Edgar. Tu déjeuneras seul d'un panini saumon dans la rue de Choiseul et tu trouveras ça bon. Alors, n'hésitez pas à faire la même chose que Houellebecq sur la page Facebook de l'émission, c'est presque sérieux. En attendant, on va essayer de comprendre les gens et le monde, la situation dans le monde et les gens. C'est au menu de C'est presque sérieux. Dans la suite, dernière ligne droite avec Corentin Candy. Longue ligne droite. Arrêtez de pas comprendre. Arrêtez vos conneries. C'est presque sérieux sur la première. La première, la 2 et le botanique présentent The Suffering of Light, une exposition photo d'Alex Webb. Ce virtuose de la photo couleur de la prestigieuse agence Magnum expose ses photos les plus emblématiques. Il y questionne les notions de frontières, du Mexique à la Turquie, en passant par Haïti. Info botanique.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le soir et moustique. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez les huitièmes de finale au plus proche de l'action. Angleterre, Islande, à suivre en direct ce lundi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants? Faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. Educadomo.be. La première présente le Jumping Knock Hippic. Du 30 juin au 3 juillet, les meilleurs cavaliers du monde viendront s'affronter à Knock, dont le champion olympique Steve Gerda et le numéro 1 mondial, Mack Lenoir. Knock Hippic, le Grand Prix 5 étoiles, le premier week-end de juillet et le Summer Circuit les 3 semaines suivantes. Entrée gratuite. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un contrat à durée déterminée en tant que ouvrier de production dans la région de Liège. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Bertrand, ah, ça c'est un vrai globe-trotteur. Entre deux grands voyages, il n'hésite pas à travailler pour pouvoir financer ses prochains projets. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. La première, Mobile Info. Petit détour à 17h20 par nos autoroutes, nos routes. Que s'y passe-t-il, ma chère Claudine Fine? Eh bien, accident s'est produit sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur de Halleurs. La voie centrale est encombrée. La circulation est fortement ralentie en direction de Aix-la-Chapelle. Un automobiliste signale une barre de fer sur le 429 Altournay à hauteur de Hatt. La bande de gauche est encombrée en direction de Tournai. Concernant les tunnels de Bruxelles, eh bien, ça coince un peu partout, hein, heure de pointe oblige. Et notamment dans le tunnel botanique vers le midi, la bande de droite est neutralisée. À la hauteur du tunnel Rogier, la bande de droite est encombrée vers le midi et toujours dans la capitale à cause de travaux. Rue de Stal à Uccle, la chaussée est fermée, ce qui engendre de gros embarras de circulation. Et puis concernant le ring de Bruxelles, les ralentissements sont principalement importants en circulation extérieure entre Grand Bigard et au titre avec 30 minutes à rajouter sur votre temps de parcours. Comptez 15 minutes de ralentissement entre Zaventem et Grand Bigard. Et puis en circulation intérieure, ça coince entre Zaventem, Carrefour, Léonard et au titre Grand Bigard, à peu près 20 minutes de plus sur votre temps de circulation à compter. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La Netherlands Academy présente la métamorphose de l'été. Avant l'été, voici ce que Cédric vous aurait dit. On dit que les francophones sont nuls en langue. Bon, eh bien moi, je suis prêt à prouver le contraire. Je m'y mets cet été. Après l'été, vous le trouverez métamorphosé. Nonsense, tis simple, super gemakkelijk. Voor Franstaligen is het ook eenvoudig, als ze maar gemotiveerd zijn. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Stage intensif de 2 semaines durant tout l'été. Plus d'infos sur nedaka.be. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Allez, vacances pointent à l'horizon, mais avant cela, il faut passer par cette épreuve. Et quelle épreuve? Celle des bulletins, celle des cotes. On embrasse bien entendu les parents qui ont passé énormément de temps à réviser le CEB à la place de leurs enfants. Ouais, on embrasse également tous les étudiants qui vont devoir passer des secondes cesses. Et on va embrasser le Garchotte qui, lui, va devoir partir en délibé. En défense de mémoire. En défense de mémoire, c'est quoi le mémoire? C'est quoi, c'est un excellent mémoire sur les risques de rechute en santé mentale. Je vous le dis. Ah ben voilà. Je comprends mieux pourquoi on a fait appel à moi. On embrasse l'étudiant qui passera et qui défendra son mémoire ainsi que ceux qui nous écoutent presque sérieusement. Merci mon cher Edgar. Merci à vous. On va parler de défense mentale avec le plus atteint d'entre nous, Corentin Candy. On va essayer de comprendre les événements de 2016. Donald Trump, le Brexit, les primaires à droite et à gauche, Mark Goblet de Weaver, en partant donc des grands textes philosophiques des Lumières avec un grand philosophe qui nous livre son cri du cœur. Eh oui, effectivement, Walid, Nuit debout, Panama Papers, Donald Trump, autant de sujets qui demandent une analyse très fine. Alors attention, ici Gai Savoir, pour tenter d'expliquer ces différents sujets en un seul biais, j'ai décidé de me tourner vers les grands maîtres, les Sophocle, Diogène, Platon, Diderot, Voltaire et Poels. Je me suis plongé au cœur de la pensée du plus grand philosophe de l'histoire. Mais trêve de grands discours, donc foin de vaines analyses, écoutons ce que le philosophe a à nous dire. Laissez-nous respirer, c'est le titre de son texte, ce manifeste du philosophe Pagny. Je ne ferai pas ça parce que vous l'avez commandé. Je n'irai pas par là parce que vous l'avez décidé. Pigez Nigel Farage, pigez Donald Trump. Le philosophe interpelle l'homme moderne sur le tribut qu'il paye au système. Tous les matins, se lever, tous les matins, se taper le transport en commun, tous les matins, aller travailler. Tout cela pourquoi, finalement, ou plutôt pour qui? C'est subversif. On touche là au fondement de l'état de droit moderne. Alors je reprends la lecture de ce texte, aussi profond que les 10 conseils pour une meilleure vie, par le Dalai Lama. J'aimerais pouvoir parler, j'aimerais pouvoir vous expliquer, j'aimerais pouvoir vous dire, arrêtez de vous tromper, arrêtez de vous tromper. Le philosophe qui analysait les grandes questions de notre monde moderne a été touché par la grâce. Ce grand esprit nous expose qu'il aimerait bien, mais qu'il ne peut point. J'aimerais pouvoir parler, j'aimerais pouvoir vous expliquer, arrêtez de vous tromper. Il serait dangereux de parler, il risque gros. Comment nous dire, comment nous faire comprendre, sans rien pouvoir nous dire? On nous observe. Tout risqué, oui, mais il y a des limites. Il n'est pas fou non plus. Il a un travail, une famille, un emprunt. S'il veut bien aller jusqu'à un certain point, il n'a pas non plus envie de recevoir une amende des services de police. Il n'est pas là pour se faire harakiri. La vie est trop belle, en dépit du système et de ses gardes churmes. Mais certaines personnes se trompent. Brexit, Donald Trump. Et ça, il n'a pas peur de le dire. Et puissent ces personnes tenter de tâcher de se prémunir des plus lourds errements qui les guettent, sans commentaire, à méditer, arrêter de ne pas comprendre. Haute voltige musicale, grand écart entre la philosophie la première, pour la première fois. Messieurs les plus grands, messieurs les plus forts, vous avez souvent tort. Souvent. Alors laissez-nous vivre notre vie, nous les soi-disant petits. Soi-disant, ici une morale se dessine, le philosophe ne pointe pas seulement un dysfonctionnement du système, il compose un véritable conte moral. Rira bien qui sait, il rira en dernier. Ce que disait déjà Shakespeare au 19e siècle, mais avec un peu moins de talent. Puis Homère, 50 ans plus tard. Homère, l'écrivain traduit en latin grec. Alors le grand philosophe poursuit. Nous les petits, vous savez ce qu'on vous dit. Là, l'artiste frôle la ligne verte à ne pas dépasser. Privilège du saltimbanque. Il a presque dit que ces gens-là savent ce qu'on leur dit. Messieurs les plus grands, messieurs les plus forts, messieurs les plus chiants. Mais il s'est rattrapé tout juste, il n'a rien dit. Mystère et boule de gomme. Belle leçon que l'artiste nous livre. Nous, les soi-disant petits, on intériorise, on n'est pas des bêtes. Qu'est-ce que vous croyez? T'es bien appris qui croyait bien nous attraper. Et c'est là que le soi-disant prend tout son sens, toute sa force. Les soi-disant petits. Et vous, messieurs les plus grands, et vous, messieurs les plus forts, vous qu'avez jamais tort, vous avez pourtant tort. C'est la dernière strophe. Conclusion en forme d'épilogue. Vous qu'avez jamais tort, vous avez pourtant tort. CQFD, nous, on n'a pas tort, mais vous avez tort, c'est donc bien nous qui avons raison. Prends ça politiquement correct. Voilà, électeurs de Trump, voilà, partisans du Brexit, voilà, les amis. En une chanson, résumer l'actualité, hein, c'est net, voilà. C'est de la philosophie musicale. Bien fait de comptoir. Corentin Candy, et c'est le presque mot de la fin, sans plus attendre, c'est parti. Cette conversation est terminée. Vous, messieurs les plus grands, vous avez vu mes beaux vêtements. Ah, Florent Pagny. C'est la classe. Et là, ça... Vous faites du Welbeck. Ah ouais, je sais. Mais justement, on continue à faire du Welbeck ou du presque Welbeck sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. En attendant, presque mot de la fin, un mot qui résume une actualité que vous n'avez pas eu le temps de distiller pour nous. On va demander à Mickaël Albas. Eh bien, Brexit quand même, hein, puisqu'on a demandé à un joueur de l'équipe nationale espagnole ce qu'il en pensait. Il a répondu, c'est une danse qu'ils font en NBA, je pense. Oui. Comme quoi, on est un peu toujours... Sain. Voilà, le footballeur. Bien peu de choses. Bah non, il y a des footballeurs... Ah, il est mal, hein. non, c'est vrai, c'est raison. Paul Mosseret. Ben moi, c'est pas très loin, c'est anti-euro, mais alors je parle pas du tout de l'Angleterre, mais plutôt de ce bar à Nantes qui a décrété son bar comme la No Food Zone. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est quand le barman a rappelé à quel point c'était difficile pour des hommes de dire qu'on n'aime pas le foot. Alors, c'est vrai, à tous ceux-là, je voudrais leur adresser une petite pensée aujourd'hui, ému, à qui ils ont dû se prendre du diable rouge toute la journée dans les oreilles. Les gars, courage, presque. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a Italie-Espagne dans une demi-heure maintenant. Raoul Reyers. Ah, c'est jamais rentré. Allez, c'est Edgar est parti. C'est ça. Alors, dites-nous. Kant. Oui, qui c'est Kant? Bien sûr, grand philosophe. Une querelle sur Kant dégénère en coup de feu en Russie. Alors, les mecs se sont tellement engueulés pour savoir lequel des deux était le plus fan de Kant. Mmh. Qui sont tirés dessus. Comme quoi. Non, c'est moi. Quentin Candy. Kierkegaard. Pourquoi? Vous savez qui est Kierkegaard? Vous allez me le dire. Non, en fait, c'est pas seulement mon mot de la fin, c'était pour rebondir sur Raoul, mais je rebondis très mal. Anti-food. Alors, j'aime bien le restaurant Anti-food aussi. Non, moi, mon mot de la fin, c'était panse de brebis farcie. Ah oui. Haggis. Parce que je vais me venger, je vais plus jamais en manger. Par vengeance. Sais. Merci Quentin Candy, merci Mickaël Elbaz, merci Paul Mosseret, merci Raoul Reyers. Merci, ouais, et merci à vous d'avoir été presque sérieux. Rendez-vous sur notre page et sur le site de La Première, lapremière.be, podcaster l'émission sur le rtbf.be/ovio et rendez-vous avec l'information sérieuse dans quelques secondes maintenant sur La Première, Soir Première. Portez-vous bien, très bon match sur la 1 et la 2 avec les huitièmes de finale de l'Euro 2016 et rendez-vous même endroit, même heure demain pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. Rendez-vous à 16h. Ça se passe sur La Première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Je peux vous annoncer que ce soir, dans Le Monde est un village, nous allons évoquer le festival Sphinx avec Patrick de Groot, la programmation, les tenants et aboutissants de ce festival qui a lieu à Bockhout, et puis des extraits aussi du nouveau disque Leyenda de la musicienne Anna Alcaïd, un disque basé sur des figures féminines mythologiques. C'est à écouter dans Le Monde est un village. À tout à l'heure. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur La Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La Première présente l'exposition Miracles et sorcellerie à l'abbaye de Villers, les 400 ans de la chapelle de Montaigu. Un procès de sorcellerie et une série de miracles se cachent derrière l'histoire de cette chapelle. Découvrez-la ainsi que toute la colline environnante, méconnue, jusqu'au 30 décembre à l'abbaye de Villers-la-Ville. Plus d'infos, villers.be. La Première présente Marly disparue. Découvrez l'exposition de l'artiste Thierry Bosquet, créateur de décors d'opéra, maître du baroque. Il fait revivre ces lieux magiques, bâtiments, jardins superbes où Louis XIV aimait faire la fête.